Amis auditrices, amis auditrans, amis auditeurs, bonjour. L'histoire de Radio Caroline. La légendaire radio pirate anglaise des années 60. Deuxième partie. Écoutez. Tant que Radio Caroline fut la seule radio pirate au large des côtes britanniques, le gouvernement se contenta d'émettre, lui aussi, quelques grognements désapprobateurs. En revanche, lorsque Radio Caroline se mit à faire des petits pirates, Radio London surnommé Big L dès décembre 1964, Britain Radio, Radio Scotland, Radio King, le ton commença à monter. Le problème était qu'à part reprocher aux pirates d'utiliser les ondes radio sans autorisation, il n'y avait rien de vraiment sérieux à exploiter pour légiférer sur ces radios qu'adorait toute la jeunesse britannique, et pas que. De plus, les radios comme Radio Caroline émettaient depuis les eaux internationales, donc elles échappaient complètement à la juridiction britannique et n'étaient donc pas, à proprement parler, illégales. Il fallait pourtant arrêter la déferlante avant que ces radios ne soient devenues populaires au point d'en être intouchables. L'occasion inespérée arriva lorsque Craig Calvert et Oliver Smedley se disputèrent le contrôle de Radio City. La dispute dégénéra, Calvert fit irruption chez Smedley et ce dernier lui tira dessus et le tua. Pain béni pour le gouvernement nouvellement élu, qui sauta sur l'occasion pour dresser un portrait peu flatteur des propriétaires de radio pirates en général, 4, et une nouvelle loi, la Marine Broadcasting Offence Act, qui serait chargée entre autres de couper les vivres des radios offshore, en leur interdisant de diffuser de la publicité, et les priver de personnel, mais aussi d'étendre la compétence ondulatoire du gouvernement au-delà des eaux territoriales britanniques, fut proposée, et adoptée le 14 août 1967. Une des conséquences de cette loi était que toute personne soumise à la loi britannique devenait hors la loi si elle travaillait pour une de ces radios pirates, ou collaborait de près ou de loin avec elle. On évoqua également, pour faire passer la loi, les possibles interférences avec les ondes utilisées par les secours, la police, ou les autres navires, ce qui en soit était sans doute vrai, une radio pirate risquant certainement d'être une gêne pour les services concernés. Cette nouvelle loi entraîna la fin de presque toutes les petites radios pirates, Radio London y compris, qui n'avaient pas les moyens d'entrer en résistance, ou peut-être ne le souhaitaient pas. Il en fallait plus pour faire taire Radio Caroline. Ronan O'Reilly, qui apparemment ne supportait pas qu'on lui dicte sa conduite, choisit alors d'entrer dans l'illégalité et la clandestinité, et continua d'émettre. Il perdit cependant certains de ses DJS, mais d'autres prirent, comme lui, la décision de braver la nouvelle loi et rester sur leur bateau. Radio Caroline se repositionna en Hollande et continua donc d'émettre, je suppose que les auditeurs britanniques continuaient de recevoir les programmes, mais entra dans une période sombre de difficultés financières, et le moral des troupes était plutôt bas. En mars 1968, la situation de la station de radio semblait en voie d'amélioration lorsque la compagnie hollandaise qui les soutenait, mais qui n'avait pas encore été payée, perdit patience et se comporta en véritable pirate, ce qui est le comble, envoyant des gens couper les amarres des bateaux qu'ils remorquèrent jusqu'aux côtes hollandaises, où ils furent saisis. De court, O'Reilly tenta d'acheter d'autres navires, dont le bateau de Radio London, sans succès. Cette fois, il semblait bien que c'en était fini de Radio Caroline. C'est alors qu'entrèrent en scène les radios clandestines basées à terre, dont l'objectif était de remplacer les bateaux pirates à qui l'on avait cloué le bec. On vit alors des groupes de jeunes chevelus, le nec plus ultra de la résistance passive à l'époque, Ronan O'Reilly lui-même arborait alors dans les années 70 un look à la George Harrison avec ses longs cheveux et sa barbe, et prônait la paix et l'amour, fondait des petites radios pirates qui émettaient, en toute illégalité bien sûr, depuis des appartements ou des maisons, et qui se voyaient obligés, afin de ne pas se faire repérer et voir débarquer la police, de changer régulièrement de quartier général, plusieurs fois par semaine si nécessaire. Cependant, les descentes de police arrivaient régulièrement en dépit des précautions prises. À la fin, lassées de se faire saisir leur matériel, certaines d'entre elles sont allées planter leurs émetteurs en rase campagne, ce qui ne dérangeait que les vaches et les animaux de la forêt, voire même à la cime des arbres. Beaucoup firent l'expérience du fait qu'il était plus facile de s'enfuir lorsqu'on se trouvait en pleine nature que lorsqu'on était coincé dans une chambre, à l'étage d'une maison. Ronan O'Reilly s'engagea alors dans une campagne sans merci contre le gouvernement de Harold Wilson qui avait osé pondre la loi d'août 1967, motiva les troupes chez les jeunes de 18 à 21 ans, nouvellement autorisés à voter et qui n'étaient pas prêts de pardonner la disparition de leur radio préférée, les seuls sur lesquels ils pouvaient écouter la musique qu'ils aimaient vraiment. Et cela coûta la réélection de ce gouvernement pourtant annoncé favori. Il faut dire que la disparition des radios offshore avait réellement été mal perçue, et pas seulement par cette tranche d'âge. Et pendant ce temps-là, le Mi Amigo et le Fredericia, coincés à quai en Hollande, étaient en train de rouiller tout doucement. La compagnie hollandaise qui les avait saisis décida de vendre ce qu'il en restait. Le Fredericia fut démantelé, et le Mi Amigo vendu, avec le projet d'en faire un musée des radios pirates. Ce qui se passa ensuite est très nébuleux, disons, pour être plus clair, que je n'ai pas bien saisi ce qu'il s'est passé, et puis les versions divergent, il semblerait que l'histoire des radios pirates offshore doive s'accompagner d'une certaine dose de mystère, toujours est-il que O'Reilly semble avoir réussi à remettre la main sur le Mi Amigo, qui fut remorqué vers la mer en 1972, en dépit de son mauvais état. Les équipements durent être restaurés et l'électricité réinstallée. Le mât de transmission dut même être changé. Bref, la radio était de nouveau sur les ondes, au large de la Hollande, comme quoi il en fallait plus pour la faire taire, mais après 4 années de silence forcé elle avait perdu pas mal de plumes, et les difficultés financières l'obligèrent souvent à louer du temps d'antenne sur le navire à des stations hollandaises, dont Radio Mi Amigo, pour faire entrer un peu de liquidité dans les caisses. What's the donut, not the hole? What's the donut, not the hole? What's the donut, not the hole? What's the donut? Finalement, Caroline émit la nuit, de 18h à 6h du matin, tandis que les radios hollandaises émettaient le reste du temps. Tout semblait aller à peu près bien, en tout cas pas trop mal, lorsque ce fut le tour de la Hollande de faire passer, le 30 août 1974, une loi contre les radios pirates. Ce fut la fin des radios pirates ancrées au large des côtes de Hollande sauf, on l'aura évidemment compris, de Radio Caroline, qui décida, une nouvelle fois, et en compagnie de son acolyte Radio Mi Amigo, de braver la loi et rester sur les ondes. Toujours en mauvais état, le bateau leva l'ancre, quitta la Hollande et se rapprocha tant bien que mal des côtes britanniques, où il trouva finalement refuge dans l'estuaire de la Tamise. Les anciens des JS des années 70 se souviennent de l'année 1975. Une année particulièrement difficile pour Caroline, où les DJS se succédaient à un rythme soutenu sur le Mi Amigo. À cette époque, l'argent manquait cruellement, il arrivait que les équipements tombent en panne, et le bateau se détériorait tant qu'il finit par ressembler à une véritable épave. De 1978 à 1980, il échappa à plusieurs naufrages, ce qui eut pour conséquence l'obligation d'interrompre les transmissions à plusieurs reprises. Finalement, en mars 1980, une tempête eut raison du Mi Amigo. Cette fois, les DJS et l'équipage furent bien obligés de quitter le navire, à moins de vouloir couler avec, mais 4 DJS restèrent à bord jusqu'à la fin et diffusèrent de la musique jusqu'au dernier instant. Ce fut avec un calme époustouflant que Stevie Gordon et Tom Anderson annoncèrent aux auditeurs que le bateau était en train de couler, qu'il était donc obligé d'arrêter la transmission et de monter à bord des canots de sauvetage, et qu'ils dirent au revoir à leurs auditeurs en espérant être de retour sur les ondes bientôt. Toutes les âmes encore à bord du Mi Amigo, y compris le Canari, furent secourues par le Helen Turnbull. Quelques minutes plus tard, la lumière à bord s'éteignit et le Mi Amigo coula à pic avec tout son équipement, 6, et tous les disques et bandes sonores embarqués à bord. Des documents visuels et sonores du naufrage et le témoignage de Tom Anderson se trouvent dans cette vidéo. Tom Anderson y raconte, entre autres, comment la police dut les arrêter lorsqu'ils furent débarqués sur la terre ferme après le naufrage, ce qu'elle fit vraiment à contre-cœur. Beaucoup de sites montrant des photos du Mi Amigo existent également, qui font revivre dans l'esprit, et le cœur, des anoraks, le bateau légendaire. Anorak, argot britannique désignant une personne littéralement obsédée par un sujet, quel que soit le sujet d'ailleurs, ça peut être n'importe quoi, et qui connaît tout sur la question. Une sorte de geek, mais en pire, si vous préférez. Le terme trouve en plus son origine dans le monde de la piraterie des ondes, lorsque les DJs d'une radio pirate, Radio Caroline, ont vu arriver, dans leur petite embarcation, un groupe de fans vêtus d'anorak, l'un d'eux a annoncé, voilà une nouvelle cargaison d'anorak. Le terme est resté et s'est généralisé. Cette fois, c'en était fini, et bien fini, de Caroline. Eh bien non, car il en fallait plus pour faire taire la radio. Radio Caroline Support Group. Fin de la deuxième partie. Vous écoutez Radio Parasite. Ça tue.